L'être un ange. L'être un ange. Mon ange malgré les jours, mon ange malgré les nuits, que je ne suis plus avec toi, j'écris la main nue, en pensant à toi. Voici mon âme qui brille pour toi, voici ma flamme qui est en toi. Je me perds mon ange quand tu n'es pas là. Je me perds mon ange. Cette lettre mon ange, cette fenêtre l'archange, exprime mes sentiments, rappel de nos secrets, puis maintenant l'ombre d'une pensée. Voici mon âme qui brille pour toi, voici ma flamme qui est en toi. Je me perds mon ange quand tu n'es pas là. Je me perds mon ange. Quand tu pars loin de moi, je me perds mon ange à côté de toi. Je suis ton ange près de toi. Si loin de moi et pourtant ton cœur ne bat pas, mais je l'entends dans ma tête, il résonne dans mes souvenirs. Il clairionne, voici mon âme qui brille pour toi. Voici ma flamme qui est en toi. Je me perds mon ange quand tu pars loin de moi. Je me perds mon ange quand tu n'es pas là. Ouais, ouais, quand tu n'es pas là. Doux souvenir de toi, tendrement si près de moi, pour toujours en moi, dans mes pensées restera. Voici mon âme qui brille pour toi, voici ma flamme qui est en toi. Mon ange qui brûle pour toi, voici ma flamme que tu garderas. L'être à un ange, 2010, rap éclectique. Mon ange, l'être à un ange. J'écris la main nue en pensant à toi, mon ange. Voici mon âme qui brille pour toi, voici ma flamme qui est en toi, mon ange. Mon ange. Ouais, ouais, mon ange, l'être à un ange. Loin de moi et pourtant ton cœur ne bat pas, mon ange, dans ma tête il résonne, des mes souvenirs il clairionne. Voici mon âme qui brille pour toi, voici ma flamme qui est en toi, mon ange, l'être un ange. Ah ouais, l'être un ange.